Je suis l'ami de ton cœur qui prend son vol sur les ailes de ton amour, à la rencontre de l'ineffable et de l'inédit, car dans ta gloire, tout se renouvelle. Tu es l'artisan de la vie qui demeure et du bonheur qui ravit. Sois le bienfaiteur de ceux qui espèrent. Les notes d'espoir qui découlent de ta sainte présence rassurent nos élans intérieurs et profonds. T'avoir est un devoir qui pourvoit au grand besoin de voir en toi le roi de gloire. Te connaître, ô divin maître, c'est comme naître en ton être pour jouir du bien-être qui pénètre au-delà du sens et de la raison. T'aimer ne restera plus jamais un simple mot, mais une raison d'exister qui fera couler ma vie dans les entrailles de ta miséricorde. Te dire « je t'aime » ne vaudra jamais tes preuves d'amour qui se déversent comme un flot sur les sentiers de ma vie. Mais ce qui importe pour moi, c'est de sentir exhaler en moi le bon parfum de ta vie, Jésus. T'avoir pour Seigneur et Maître est plus que tout ce que l'existence peut me proposer de bien. Avec toi, mes moments perdus sont les instants les plus riches, ô suprême bonté. Tu donnes à la perfection et à l'excellence la force de leur expression, car la source de la connaissance, c'est toi, Seigneur Jésus. La sublime origine du savoir, c'est encore toi, profondeur de la sagesse. Je voudrais marcher à tes pas vers les horizons sans fin, à la rencontre de la vie, la vraie vie que tu es, au sommet du bonheur parfait que tu as, dans le sein de l'éternité que tu es. Je veux demeurer ici et te dire aussi que ce bruit de ton cœur qui résonne en moi détermine la perfection d'une communion solide et intense qui plonge ses racines dans la terre de l'amour éternel. Alléluia. Tu es l'identité de l'amour, l'inaliénable amour qui porte en son sein les marques de ta divinité et l'emblème de ta fidélité. Tu es le Dieu de la justice qui répand sur ses traces la semence de l'équité et de la droiture, toi la lumière qui anime l'univers. T'entendre dire, te voir agir, te sentir en moi en respirant tes délices, fait le décor d'une ambiance céleste et intime que me rassure que tu m'aimes. Te laisser faire et accomplir ce que tu désires réaliser en moi n'a rien de comparable, car ta volonté, Seigneur, est comme une nourriture que me donne la force de vivre pour continuer à croire et à t'adorer. Seigneur Jésus, je veux être celui que tu peux paître en faisant connaître la joie de renaître en toi, afin de transmettre ce précieux bien-être à la génération de ceux qui veulent être sans paraître. Je viens m'asseoir à tes pieds et me reposer en ton sein, divin Maître, afin de nourrir mon âme de tes merveilles et faire briller mon esprit par l'éclat de ta beauté. C'est dans ce que tu es que je trouve ce que je puis, c'est dans ce que tu as que je vis ce que je suis. Si les signes pouvaient traduire et si les mots pouvaient tout dire, je t'aurais peint le tableau d'une existence avec en toile de fond les couleurs rassurantes d'une vie restaurée. Je t'aime, Seigneur.